Franz Klintsevici, premier vice-président de la Commission de la Défense nationale et de la Sécurité du Conseil de la Fédération de Russie, a publié une communication dans le journal Izvestia pour condamner les États-Unis comme auteur unique de l'aggravation de la situation dans la péninsule coréenne.